بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. Toujours selon Aïcha, dans le hadith numéro 3 de Riyad Salihin de l'imam Nawawi, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas d'émigration après l'ouverture. Walakin jihadun wa niyya. Ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, rahimahum Allah, toujours selon Aïcha, radiallahu anha. Il faut savoir que Aïcha rapporte de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle fait partie des sept plus grands rapporteurs de hadiths parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Étant l'épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, radiallahu anha, elle a entendu des choses que les sahaba n'ont pas entendues, puisqu'elle vivait avec le messager d'Allah, chez lui. Elle a vu des choses du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, que beaucoup n'ont pas vues. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle qu'après l'ouverture, c'est-à-dire la conquête de Mecca, la 9e année de l'Hijra, il n'y ait plus de Hijra. Pourquoi? Étant donné que la Mecque a été reconquise, alors elle est devenue un état musulman. Or, lorsqu'on parle de Hijra, le terme Hijra, qui signifie taraka, le fait d'abandonner, de délaisser, le fait d'immigrer, de délaisser une terre de kufr où il n'y a pas d'islam, vers une terre d'islam, une bilad al-shirk ou al-kufr, et la bilad al-tawhid, la bilad din al-islam. Donc la hijra, c'est de délaisser un pays non musulman vers un pays musulman, ou bien d'un pays où on ne peut appliquer sa religion vers un autre pays où on peut appliquer sa religion. Or, le terme hijra peut signifier aussi le fait d'abandonner quelqu'un qui commet des péchés par exemple, et de peur de tomber avec lui dans les péchés, donc de faire la hijra de lui, de le délaisser, parce qu'il y a une maslaha, il y a un bienfait, et la sauvegarde de ta propre religion. Ou bien aussi le fait de hijaratu min al-mahsiya, an al-mahsiya, le fait de faire la hijara, de délaisser un péché. Tu fais la hijara de ce péché, dans le sens où tu l'abandonnes, tu le délaisses. Mais à partir du moment où la Mecque avait été reprise, alors il n'y avait plus de hijara, étant donné qu'elle est devenue une terre d'islam. L'intention an-niyya, c'est la sincérité. Walakin jihadun wa niyya. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné plus de hijra à partir de Mecca pour venir à Mecca, pour partir de Mecca, puisque ça y est, il est devenu un état musulman, cela prouve que la hijra est toujours légiférée, même à notre temps, pour le musulman qui ne peut accomplir sa religion. Tout musulman qui ne peut accomplir ses obligations religieuses se doit de faire la hijra afin de sauver sa propre religion, sa propre personne ainsi que sa famille, qu'il ne tombe pas dans le fait d'abandonner leur religion. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, O anfusakum wa ahlikum naran, sauvez-vous, vous et vos familles, vous-même et vos familles, d'un feu. La prophétie ici venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut savoir de lui-même si la Mecque restera musulmane ou pas. Il faut donc y croire, et c'est une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala à son messager alayhi salatu wa salam et la umma. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la hijrata ba'd al-fath, qu'il n'y aura pas de hijra après avoir repris la Mecque, alors cela montre clairement que la Mecque restera un état musulman jusqu'à la fin. Et c'est donc une chose qui parle du monde du futur, des choses à venir. Or, seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'invisible. La ya'lamu al-ghaib illallah. C'est donc une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a appris qu'à l'avenir, la Mecque restera un état musulman. Puis on continue avec le hadith numéro 4. Selon Abi Abdillah, an Abi Abdillah, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, radiallahu anhumah, qui a dit, nous étions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'expédition de Tabouk. Lorsqu'il dit, alayhi salatu wa sallam, il y a certainement à Médine des hommes qui, dans toute marche que vous faites et dans toute vallée que vous traversez, sont avec vous. Ce sont ceux qui ont été retenus par la maladie. Dans une autre version, il est rapporté qu'il a dit, alayhi salatu wa sallam, il partage avec vous le salaire de vos œuvres. Ce hadith, rapporté par l'imam Muslim et l'imam Bukhari, à partir de Anas radiallahu anhu, qui a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de retour de l'expédition de Tabou quand il dit, des gens derrière nous à Médine, il n'est pas un sentier de montagne ou une vallée qu'on parcourt sans qu'ils n'y soient avec nous. C'est en effet une excuse valable qui les a retenus. Ce hadith parle toujours de l'intention. Ce n'est pas pour rien si l'imam Nawawi rahimallah l'a mis dans ce chapitre de l'intention et de la sincérité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète en fait a mentionné, alors qu'il partait pour la bataille de Tabouk, que ceux qui étaient restés à Médine et qui avaient eu un empêchement, comme le fait d'être malade par exemple, alors ils avaient la même récompense que les compagnons qui étaient partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela prouve comme sagesse dans ce hadith du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, celui qui a un empêchement alors qu'il voulait faire une chose, Allah tabaraka wa ta'ala bi rahmatihi wa ni'matihi, Allah par sa sagesse et sa miséricorde lui compte comme s'il l'avait fait. Si on prend un exemple aujourd'hui, si tu as l'intention de faire l'outre dans les derniers tiers de la nuit et qu'en plus tu as l'habitude de faire l'outre dans les derniers tiers de la nuit, mais qaddar Allah ou macha fa'al, tu ne t'es pas réveillé, le sommeil t'a empêché. Or le sommeil, tu ne le contrôles pas, ce n'est pas de ta faute. Il s'est passé ce qu'Allah a décrété. Alors, subhanallah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il te sera compté quand même la récompense car tu avais l'intention. Ou bien ce jour-là, tu es tombé malade, durant cette nuit-là, tu n'as pas pu prier le witr à cause de ta maladie. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala te compte l'action. Pourquoi? Parce que tu as un empêchement. Tu ne l'as pas délaissé volontairement, mais tu as eu un empêchement. Donc celui qui a un empêchement et dont son intention est bonne, c'est-à-dire qu'elle comporte cette sincérité d'Allah tabaraka wa ta'ala, a la même récompense que s'il l'avait fait. Ou bien elle a la même récompense que les autres qui sont partis faire une bonne action, mais que lui a été empêché. Tout dépend donc de l'intention. Niya. Maintenant, il y a une différence entre celui qui a une bonne intention, mais qui ne fait pas la chose. Par exemple, si quelqu'un dit, moi si j'avais de l'argent, je construirais des mosquées. Celui-ci n'est pas attribué comme celui qui a de l'argent et qui construit des mosquées. Il a la récompense de l'intention. Il a la récompense de l'intention. Alors que celui qui a l'intention et qui fait a la grande récompense d'avoir construit les mosquées. Et celui-ci retire un grand bénéfice. Ce qu'on retire encore de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela prouve la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa grande clémence, sa grande miséricorde et son grand bienfait, et la facilité avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a établi sa religion. Car quelqu'un qui a l'intention de faire la chose, mais a un empêchement, celui-ci a quand même la récompense. Et ceci ne découle que de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين